te chercher. Chercher là où t'étais, même où t'étais pas, mais je t'ai pas trouvé, non je t'ai pas trouvé là, là où j'étais moi, oh putain de moi, oh putain de moi, oh putain de moi, oh putain de moi, oh putain de moi, oh putain de moi, non non non non, je t'ai pas trouvé là où j'étais, je te cherche partout où tu pouvais te cacher, mais rien à faire, je t'ai pas trouvé là, je t'ai pas trouvé, oh putain de moi. Putain de moi, oh putain de moi, là où t'étais, où j'étais, moi j'étais, où t'étais, mais tu n'étais pas, où j'étais, là où j'étais, tu n'étais pas, là, je t'ai pas trouvé là, je t'ai pas cherché, où j'étais, mais j'ai pas cherché, où il fallait, enfin moi, je t'ai pas trouvé, je t'ai pas trouvé là, putain de moi, putain de moi, putain de moi, putain de moi, putain de moi, putain de moi. Putain de moi, putain de moi, oh putain de moi, putain de moi, oh putain de moi, oh putain de moi, putain de moi, oh putain de moi, oh putain de moi, oh putain de moi, oh putain de moi, oh putain de moi, oh putain de moi, oh putain de moi. putain de moi, putain de moi, putain de moi, putain de moi, putain de moi, putain de moi, putain de moi, je t'ai pas trouvé où j'étais, je t'ai pas cherché où il fallait. Où je t'aimais, je t'ai pas trouvé là parce que tu n'étais pas là. Je sais pas où t'es, je sais pas où t'es, je sais pas où t'étais, je sais pas où t'es, je sais pas où tu seras. Mais là, je suis là, moi, putain de moi, ouais. Moi, je suis là, putain de moi, je suis là comme un con, ouais. Putain de moi, je suis là comme un con, ouais. Je t'ai pas trouvé, je t'ai pas cherché, où il fallait. Putain de moi, putain de moi, putain de moi, putain de moi.